Bon matin, Luc. Qu'est-ce que vous avez chanté, vu que j'ai manqué les chants? Dieu fidèle. Ta bienveillance, combien est précieuse ta bonté. Bon, si vous n'avez jamais passé une journée de 24 heures sans nuit, là, je vous suggère de vous donner le défi de préparer un enseignement de Exode 16. Vous le commencez à 22 heures. Vous aurez votre 24 heures sans nuit. Et que ça a été à peu près ça mon cas, donc j'ai manqué la première partie de la matinée, c'est-à-dire les louanges. Je vais nous ramener un tout petit peu au commencement de tout ça, dans Exode. Et je vois des nouveaux visages, et simplement faire le contexte que nous sommes dans le livre d'Exode. Et ce matin, on est dans le chapitre 16 du livre d'Exode. Est-ce que vous vous souvenez au chapitre 5, la première fois que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent... Pardon? Quelqu'un, j'entends des voix. Laisse partir mon peuple? Pourquoi laisser partir mon peuple? De quelle manière aller l'adorer et où? Dans le désert. 3 jours de marche. Alors, il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Une fête. Ensuite, il dit, laisse-nous faire 3 journées de marche pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Bon, si moi je suis hébreu, que j'entends Moïse dire ça, j'aurai ma compréhension du désert. Ça va être le fun. On va aller, on va faire une grosse fête. Et on va, ça sera tellement le fond qu'on va faire des sacrifices pour rendre grâce à Dieu. Mais quand on a lu l'introduction de la marche dans le désert la semaine passée avec Samuel, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 journées de marche? Est-ce qu'il y a des sacrifices? Et après 3 journées de marche dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Les murmures. Où sont les sacrifices? Où est le festin? Pourquoi il n'y a pas de sacrifice? Pourquoi il n'y a pas de festin? Est-ce que Dieu mérite, est-ce qu'il en est digne que malgré qu'il y a des difficultés dans le désert, on le célèbre dans la joie, dans la fête, et qu'on lui fasse des sacrifices d'action de grâce? Est-ce qu'il le mérite? Il le mérite. Tellement, quand on considère ses hauts faits, quand on considère sa bonté, quand on considère sa gloire, sa grâce pour nous, il n'y a rien qui devrait nous empêcher de nous réjouir. En fait, Dieu nous le demande. De nous réjouir tout le temps, malgré les nombreux déserts, c'est-à-dire des environnements hostiles, des circonstances hostiles au travers lesquelles on va passer. Donc, on a vu ça avec Samuel qui nous a dit, le peuple ne le fait pas parce qu'ils ont les yeux sur le problème du moment. Le doute les a envahis, ils ont oublié l'espérance. Regardent pas la grande histoire de Dieu qu'il écrit pour eux, une histoire qui est la nôtre. Ils regardent au problème du moment. Mais c'est la même chose au chapitre 16 qu'on va lire. Alors, la manière qu'on va le regarder, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande plutôt que qu'est-ce qui nous empêche de nous réjouir. On le sait, ce qui nous empêche, on est tous humains. Mais en se rappelant ce que Dieu nous demande, on s'exhorte ensemble. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu veut que son peuple ait confiance en son secours en toutes circonstances. Ça revient avec le psaume que Guillaume a lu tout à l'heure là. Donc, et dans Exode 16, on voit particulièrement deux circonstances que Dieu utilise pour amener le croyant que nous sommes à faire confiance en son secours. Est-ce que vous êtes dans Exode 16? On va le lire tranquillement, il est long. Je fais juste la remarque, c'est 36 chapitres. L'André qui vient la semaine prochaine, là, lui, il a 15 chapitres. 15 versets, je veux dire. Fait que, quelle injustice, Christian! Ouais, c'est le désert, ça en vient. Alors, le chapitre 16. Toute l'assemblée, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Donc, ça fait un mois et demi qu'ils sont sortis. Un mois et demi, là, ça paraît long dans le texte qu'on lit, mais on sait qu'un mois et demi, c'est rien. Ça passe vite. Alors, au verset 2, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez enfin, j'espère, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Dans le français courant, ça dit « Nous sommes indignes, nous ne sommes pas dignes que vous adressez vos murmures contre nous. Ce n'est pas nous qui vous avons fait sortir, c'est Dieu qui vous a fait sortir. » Verset 8.

par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la dixième partie d'éléphant. Dans diverses recherches, là, y compris dans les commentaires de John MacArthur, là, l'omer, ça équivaut à entre 3,5 et 4 litres. Un très beau narratif, un très beau texte, en fait. Et ce qu'on va voir dans ce texte, c'est essentiellement deux tableaux, deux super beaux tableaux que Dieu dresse devant nous. Le premier, ce qu'il demande à son peuple, là, la confiance au secours de Dieu dans la détresse. Le peuple est en détresse. Et ensuite, vient l'abondance. Et Dieu demande la confiance au secours de Dieu dans l'abondance. Ça paraît bizarre. Pourquoi aurions-nous besoin du secours de Dieu dans l'abondance? Et pourtant, ce sont les deux tableaux que nous avons. Et dans les deux, Dieu dit, c'est pour éprouver le peuple, pour voir s'ils sont fidèles à mes lois. Donc ce que Dieu leur a donné en bénédiction abondante est aussi pour eux un sujet d'épreuve. Alors, dans la détresse, qu'est-ce qui se passe avec le peuple dans le désert? La première circonstance dans laquelle Dieu réclame qu'il ait foi d'un cœur ferme à son soutien, à son secours. Murmurer, là, c'est le mot qui revient le plus souvent dans le texte. Ça revient comme 6 fois. Il murmura. Aaron le répète, Moïse le répète, Dieu le répète. Et ce que le peuple dit, c'est « C'est vous nos guides, Aaron et Moïse, c'est à cause de vous que nous souffrons ce que nous souffrons dans le désert. Dieu aurait pu nous tuer en Égypte, ça aurait fini là, mais vous, vous nous avez amenés dans le désert. C'est vous. S'il nous arrive ce qui nous arrive, c'est à cause de vous. Aaron et Moïse vont dire, c'est pas nous qui vous avons sorti d'Égypte, c'est Dieu. Mais c'est naturel que quand il y a une difficulté, on se tourne vers nos dirigeants, ça arrive aussi dans la vie d'église. Il y a une difficulté, on se tourne vers nos dirigeants, on dit, pourquoi ça nous arrive? Mais dans le fond, c'est à Dieu qu'on questionne. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi on vit ce qu'on vit? C'est votre faute. Alors, la détresse des enfants d'Israël vient de quoi? Ça vient d'un besoin naturel. Un besoin que Dieu connaît pour son peuple. Un besoin pour lequel Dieu a déjà préparé une réponse glorieuse. Et c'est un besoin qui revient beaucoup, beaucoup dans le Nouveau Testament aussi parce que Jésus nous en exhorte. Et Samuel a lu le texte l'année passée. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, à boire, à vous vêtir. Ne vous inquiétez pas. Vous valez bien plus que les oiseaux du ciel dont Dieu prend soin en nourrissant tous les jours. Sans même qu'ils aient à demander. Donc, le peuple, mettons-nous un tout petit peu à sa place. Ils ont faim dans le désert. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là, avoir faim dans le désert. C'est pas la faim, le mot faim qu'on utilise couramment, nous, là, c'est que j'ai envie de manger. Ce n'est pas ça la faim, j'ai envie de manger. La faim, c'est très différent de j'ai le goût de manger quelque chose. La fin, là, c'est que je suis affaibli. Je manque de force. J'ai besoin de quelque chose pour retrouver de la force. Et c'est tellement intense qu'ils vivent, qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Ils disent, vous nous avez amenés ici pour mourir de faim. S'ils voient la mort venir à cause de la famine, ça veut dire que c'est intense. Dans une ancienne vie, avant que j'arrive au Québec, là où il y a de la nourriture un peu partout, j'ai connu une ancienne vie avant ça, dans le temps de ma jeunesse, dans les jours passés, là, le plus long que j'ai eu à subsister sans mettre quelque chose dans la bouche, c'était 2 jours, 48 heures. 48 heures, tu n'as pas le goût de manger. Tu es fatigué. Tu as juste envie de retrouver de la force. Parce que tu es affaibli. Et ça peut caler quand c'est affaiblissant. Okay? Donc, ce n'est pas un caprice. Je veux manger. C'est qu'ils sont éprouvés, vraiment éprouvés. Et ça amène une insécurité. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et on est dans un milieu où, je ne sais pas si vous vous souvenez, la manière que Dieu décrit les souffrances que ce monde a vécues en Égypte, là. Il dit à Moïse dans le buisson, le cri de leur détresse profonde est monté jusqu'à moi. J'ai vu tout ce que les Égyptiens les font subir et je suis descendu. Face à la détresse que leur cause la famine, ils trouvent que l'Égypte était mieux que la souffrance où on se fait frapper tous les jours, torturer, était mieux. La souffrance qu'ils connaissent. Alors, humainement parlant, évidemment, dans cet état de faiblesse, d'inquiétude, de questionnement, ça amène à oublier les bienfaits de Dieu qui sont pas lointains, qui sont derrière eux. C'est l'effet de la détresse dans nos vies. Alors, ça c'est une histoire qui est racontée de plusieurs manières, à plusieurs reprises dans les psaumes. Et les psaumes ajoutent toujours une touche assez... une belle touche poétique au récit. Et le psaume 78, le psalmiste ajoute une information de plus. C'est qu'en plus de la détresse liée à la faiblesse, à la famine, le désert, la marche, on traîne des troupeaux, on traîne des enfants, il n'y a aucune ressource, c'est très dangereux le désert. Mais il y a aussi la convoitise. Quelqu'un dirait peut-être, des fois on se dit, mais Seigneur, quand on est hanté par la convoitise, si tu mets loin de mon objet de convoitise, tu me mets dans un désert, là le problème sera réglé. Non, même dans le désert, il y a la convoitise. La convoitise, pourquoi? Mais la convoitise, parce qu'ils ont en souvenir l'ancien monde. Ce qu'ils ont connu avant. Et ils vont faire le même murmure, la même rébellion dans Nombre 11, là, au sujet de la nourriture, effectivement. Et ils vont ajouter un détail dans leur complainte. Ils vont dire, mais on avait des viandes et ça ne nous coûtait rien. On avait accès selon notre liberté. On n'avait pas besoin de dépendre de Dieu. Donc, la convoitise, la peur, le questionnement, la marche difficile, le peuple est dans la détresse. Le mot détresse qui est utilisé dans le livre, le mot murmure, excusez-moi, c'est pas un murmure dans le sens classique où je murmure, je parle à voix basse. C'est pas de ça qu'il s'agit. toute façon, à chaque fois qu'on lit dans le Nouveau Testament que les Juifs murmurent contre Jésus, là, c'est pas... C'est qu'ils contestent Jésus. Donc, le peuple se plaint, le peuple se rébelle, il conteste, il proteste contre Moïse et Aaron. Donc, ils s'en prennent à leurs dirigeants, à leurs guides, qu'ils tiennent responsables de leur sort. Donc, c'est une protestation. C'est une forme de rébellion à cause de la détresse. Alors, on va essayer de reformuler ce qu'ils vivent en d'autres mots, dans la vraie vie de nos jours, en français courant. Moi, je traverse une période difficile et je ne suis pas satisfait, je n'aime pas la manière que Dieu prend soin de moi. Je trouve difficile de dépendre de Dieu. Parce qu'en Égypte, là, j'étais moi assis à côté des pots de viande. Et là, je suis dans le désert, il faut que j'attende après Dieu. C'est difficile. J'aurais été plus heureux ailleurs qu'ici. C'est vrai. Ça nous arrive tous de traverser ces moments-là. Mais y compris en église, là. Le but, ce n'est pas de parler d'eux, là. Parce que ça dit que ce qu'on lit, ça a été écrit pas pour eux, mais pour nous. Ça arrive que dans la vie d'église, on dit, je pense que je me sentirais... Je vis des difficultés, je traverse un petit moment, je pense que j'aurais été plus heureux ailleurs qu'ici. Eux, ils vont plus loin encore. C'est préférable d'être dans le monde, c'est-à-dire en Égypte, avec les plaisirs, la liberté qu'on avait de manger ce qu'on veut, quand on veut, plutôt que d'être ici et dépendre de Dieu dans la vie que Dieu a préparée pour moi. Moi, je ne savais pas, là, quand on embarque, Dieu n'a pas tout expliqué d'avance, là, quand on embarquait dans le désert, là, le désert, ça va ressembler. Il n'a pas fait un cours introduction à la vie dans le désert, là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est 40 ans de marche. Ils ne savent pas que Dieu va prendre un chemin ou de loin plus compliqué que le chemin naturel. Ils ne savent pas ça. Mais cette vie que Dieu a préparée pour eux, qui est une vie de traversée de plusieurs déserts, ils la découvrent. Et la réaction à cette découverte, c'est naturel. Plutôt que d'être ici à dépendre de toi dans la vie que tu as préparée pour moi, là, écoute, là, j'aurais été mieux en restant en Égypte, franchement. Pire, peut-être même être mort que d'être ici dans le désert, Dieu, à dépendre de toi. C'est ça l'état du cœur. Et ça permet aussi de voir que tous les humains sans Christ, on est pareil. Parce que dites-moi quelle est la différence entre le cœur de l'hébreu humain et le cœur de l'égyptien humain. La différence entre les deux, c'est que Dieu, l'hébreu, Dieu lui est favorable. Il est sous sa conduite. Et ça ne fait pas de lui une meilleure personne. Mais Dieu veut que nous devenions différents en comptant sur son secours, en ayant la foi en lui. Le peuple choisi. On a lu le texte dans Matthieu 6 la semaine passée avec Samuel, je ne le lirai pas. Mais l'exhortation à ces questionnements, quand on les traverse, quand on les vit, la réponse est dans la parole de Dieu. Faites-moi confiance, attachez-vous au secours que vous allez recevoir de moi, je prendrai soin de vous. Donc, Dieu veut qu'on apprenne à compter sur son secours. Et pour ça, il enseigne au peuple d'Israël en leur faisant traverser toutes sortes de difficultés, en particulier ici des déserts, tout comme on l'a vu la semaine passée avec Samuel, il nous enseigne individuellement et collectivement à dépendre de lui au travers des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Alors, ça c'était la première circonstance qui nous amène à travailler pour dépendre de Dieu. La deuxième, c'est l'abondance. Je ne le paraphraserai pas, mais je relirai les textes qu'on a lus ensemble. Donc, comment Dieu répond au murmure du peuple? Dieu ne répond pas en disant, « mon Dieu, vous êtes insupportable. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Regardez comment j'ai traité les Égyptiens, j'ai ouvert la mer pour vous. » Ce n'est pas ça que Dieu dit. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu répond d'une manière contre nature pour nous. Si moi, quelqu'un murmure contre moi et que je le découvre, que je le surprends, je ne réagirai pas en lui envoyant de l'abondance de bénédiction. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir du pain pour vous du haut des cieux. » On l'a lu, le peuple sortira et ramassera. Moïse et Aaron vinrent donc dire au peuple, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger au matin et du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Approchez-vous donc de l'Éternel car il a entendu vos murmures. » On a d'un bord des cœurs en détresse et de l'autre bord leur Dieu. Et que c'est bon d'appartenir au Seigneur. David s'en exclame là, qu'il dit « Heureux la nation dont il est le Dieu. » Et ça là, on ne rendra jamais assez grâce à Dieu qu'il ne nous traite pas selon nos fautes. La réponse est aux besoins de leur âme et aux besoins de nos âmes. Approchez-vous devant l'Éternel, car il vous a entendu. Peu importe ce qui est sorti là, il vous a entendu. Approchez-vous. Tu es dans l'une de ces situations de questionnement. La réponse est « Approche-toi. Dieu t'a entendu. » Alors, approchez-vous parce que l'Éternel, votre Dieu, vous a entendu. Il connaît les besoins de vos âmes. Il voit votre détresse, il voit votre fatigue. Et ce soir, vous allez avoir à manger. Et demain, encore plus indescriptible. Alors, on parle souvent beaucoup de manne, et qui nous est décrit par Paul comme étant l'aliment spirituel par lequel Dieu les a nourris dans le désert. Mais il y a aussi eu de la viande. Imaginez-vous là, 2 millions de personnes dans un désert que Dieu va nourrir. Il va leur envoyer de la viande à manger le soir. Et cette viande, c'était les petits oiseaux que vous voyez là, les cailles. Je sais qu'il est cute, mais quand on est dans le désert et quand on a faim, on n'a pas pitié des petits oiseaux. Imaginez-vous la quantité pour nourrir près de 2 millions de personnes qui va s'abattre sur le camp. On ne nous dit pas combien va en manger chacun, mais il va en avoir pour tout le monde. Et ensuite, Dieu envoie la manne qui, elle, va rester pendant 40 ans, chaque matin. Je ne dis pas que sur la photo, c'est la manne. Ce n'est pas vrai. Personne ne l'a vu ici, là. Ça ressemblait à des grains de coriandre. Et Dieu va en envoyer pour près de 2 millions de personnes. Est-ce qu'il y a de l'abondance ici? Où ça? Pas dans une usine. Un désert. Alors, parlons un tout petit peu de la manne. La manne, ça nous dit que ça goûte un gâteau au miel, au verset 31. Dans Nombre 11, le même Moïse qui écrit Exode, qui écrit aussi Nombre, ajoute une saveur de plus. Il dit que ça goûte aussi le gâteau à l'huile. Autrement dit, c'est un aliment autosuffisant. Il avait tout ce qu'il faut pour que le peuple mange, ne convoite plus, se rassasie et tourne leur cœur à Dieu. Ça s'appelle un aliment qui ressemble à ce que nous avons entre les mains tous les jours. La parole de Dieu. Ils vont la manger pendant près de 2 ans avant de dire à Dieu, nous sommes écœurés de ça. On veut retourner en Égypte parce que là-bas, il y avait des concombres, de la viande et que ça ne coûtait pas grand-chose. En gros, parce que avant de venir à Dieu, on a connu autre chose. Et à chaque fois, survient une épreuve, c'est à ça qu'on veut retourner. Et parce que la chair est faible, elle nous réclame toujours plus que le nécessaire. Elle nous réclame toujours de la variété. Et Dieu nous ramène toujours à l'essentiel, à lui. Alors, ici, là, dans Nombre, ça donne un petit peu plus de détails, comment il la faisait cuire, etc., etc. Mais la manne, c'est un élément, un aliment spirituel qui les nourrissait et qui les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Cette abondance-là vient avec des règles. Parce que, même dans la grâce, quand on veut servir le Seigneur, on sert le Seigneur selon les règles que le Seigneur a fixées pour le servir. Nous nous réjouissons de l'abondance que Dieu nous donne dans sa parole et nous prions que Dieu nous aide à nous conformer à ses instructions pour le servir. Alors il va dire, un homère pour chaque tête dans la famille. Peu importe l'âge. C'est-à-dire, c'est une quantité restrictive qui met la chair à l'épreuve. Bien que c'est nourrissant, bien que c'est suffisant, mais juste de me dire, ramasse juste un homère pour chaque personne, Dieu veut voir si je veux vraiment respecter ses instructions. Parce que la tendance, c'est dans la deuxième règle pour l'humain. Pas de provision pour le lendemain. L'inquiétude nous amène à ce qu'on appelle, nous, souvent, scénariser. Faire des scénarios. Je vais en prendre aujourd'hui et je vais en garder pour demain. Dieu dit, tu prends aujourd'hui ce dont tu as besoin aujourd'hui et demain est un autre jour. Pourquoi? Parce que tu dois me faire confiance que si je prends soin de toi aujourd'hui, je peux aussi prendre soin de toi demain. Donc, n'en garde pas pour demain. Ce n'est pas compliqué comme instruction, là. Mais ils vont en garder pour demain. Et c'est plus bon, le lendemain. Bien que c'est l'aliment que Dieu a donné, parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions, ce n'est plus bon. Alors, ne te soucie pas du lendemain. C'est le texte que Samuel a lu la semaine passée. Matthieu 6. Le sixième jour, là, prends une double portion. Genre, vendredi, là, disons les vraies affaires. Prends pour vendredi et samedi, là. Samedi ne sort pas. Ils prennent une double portion, mais ils sortent samedi. Ici, le test est, Dieu a mis à part un jour là pour le servir. Il a consacré un temps pour lui. Fais pas autre chose ce jour-là que de servir Dieu. Et tu vas voir, il prendra soin de toi. Mais à part du temps pour Dieu, je sais qu'il y a toutes sortes d'occupations dans la vie. Hein. Toutes sortes. Et dans le désert, on s'ennuie. Hey, si j'ai la moindre occasion d'aller ramasser, j'avais à aller ramasser, ça dégourdit les jambes, ça fait bouger, etc. Et l'accès à la manne est tellement facile, ça tombe, je fais juste ramasser. Mais ce que Dieu dit, c'est, je t'en donne deux fois. Je te bénis pour que tu respectes le temps que je t'ai demandé de mettre à côté et qu'il m'ait consacré. Dans nous, là, notre temps, la vie d'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Mais le temps que nous avons ensemble, que nous consacrons à Dieu pour être ensemble, soyons ensemble. Le reste, Dieu s'occupe de nos affaires. Alors, ne sortez pas le septième jour. Autrement dit, acceptez de dépendre de la parole de Dieu. Acceptez de vous suffire à ce que Dieu vous donne. Hein? Paul va dire le contentement avec la piété, c'est-à-dire se suffire avec ce que Dieu donne parce qu'on a foi qu'on ne manquera de rien parce qu'on est dans sa main, c'est bon pour nous. Dieu a donné deux fois vendredi, là. Fais-lui confiance que c'est suffisant. Sors pas samedi. Mais ils vont sortir samedi. Dieu dit, mais pourquoi Moïse? Jusqu'à quand vous allez ne pas m'écouter? Alors, voyez-vous que même dans l'abondance, nous avons besoin de compter sur son secours pour nous aider à le servir selon ses règles et selon sa volonté. Parce que quand on est... On le sait tous comment ça se passe dans le monde, là. Quand on vient de passer des journées sans manger, là, qu'on a faim, vraiment faim, et que la manne arrive, là, hein, si c'est du champagne, là, on le prend, on se le verse dessus, on l'ouvre, on nage dedans. Mais la manne arrive, Dieu dit, voici comment vous allez gérer l'abondance que je vous donne. Alors, on dépend de Dieu dans l'abondance. Ça ne sert à rien de parler de ces choses si on ne les ramène pas à Jésus-Christ et à nous. Parce que ce qu'on a lu dans Jean chapitre 6, là, la manne, ça revient dans les évangiles, ça revient dans les épîtres. Les Juifs disent à Jésus, mais quel miracle fais-tu pour qu'on croie en toi? Quel miracle! Nous, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Merci, Jeff. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ce dont on parle, on mange une manne qui pouvait s'infecter le lendemain s'il ne respectait pas les règles. Nous, on parle d'une manne qui, lorsque nous nous sommes infectés, nous sanctifie et nous purifie. Une fois pour toutes. Et c'est le sens de l'appel de Dieu dans Exode 16. Quand Dieu appelle le peuple à dépendre de lui, Dieu prépare le peuple à recevoir le don de la bénédiction éternelle en Jésus-Christ. Parce que si, dans le désert, le peuple dont on nous dit, les psaumes nous disent qu'ils étaient vraiment rebelles, là, on le sait tous, on connaît l'histoire, Dieu finira par les... Ils ne verront pas la terre promise, là. Dieu va les rejeter. Mais Dieu prend soin d'eux. Dieu est à l'écoute des besoins de leurs âmes. Dieu leur parle. Dieu envoie une abondance indescriptible. Alors, combien plus forte raison nous, je ne reviendrai pas sur l'enseignement de Samuel, traversons un désert, c'est-à-dire ce monde qui nous est hostile spirituellement parlant, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas pour nous le pain qui comble tous nos besoins. Et c'est pourquoi je vous disais au début que il est tout à fait possible, et j'y crois fermement, que peu importe les circonstances dans la vie, à cause de l'assurance que nous avons dans la foi en Jésus-Christ, il est possible de pousser des cris de joie en plein désert. Il est possible de célébrer Dieu même quand tout semble aller mal. Il est possible d'être joyeux même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Pourquoi? Parce que la paix de notre cœur vient du fait que nous avons l'assurance que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus donc, le véritable pain qui vient du ciel. Il y a quelqu'un dans les psaumes là qui a fait une très belle prière et je finirai avec ça. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers Dieu. Il se pose la question, d'où me viendra le secours? J'ignore ce qu'il lui vivait au moment d'écrire ces mots. Ce qui est sûr, c'est que c'est le Saint-Esprit qui les lui a inspirés pour nous édifier, nous tous. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il gardera ton âme. Et l'appel que Dieu nous adresse, c'est que malgré toutes circonstances, abondance, détresse, désespoir, questionnement, approche-toi de l'Éternel, aie confiance en son secours. C'est ça qui a manqué au peuple hébreu dans le désert. Parce que la série des murmures, là, on l'a commencé la semaine passée, on en parle cette semaine, on en parle la semaine prochaine. On fait une pause jusqu'au pied du mont et ça reprend dans Exode, dans Nombre. Il y a beaucoup de murmures. Et à chaque fois, les murmures sont de plus en plus puissants. Ils sont de plus en plus directs. Ils sont de plus en plus violents. À tel point que dans Nombre 14, Moïse va dire à Dieu, « Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. » Mais nous, ce n'est pas ça que Dieu a en réserve pour nous. Dieu a en réserve pour nous l'inverse. À chaque fois qu'il y a une difficulté, nous apprenons à dépendre de lui. À chaque fois qu'il y a une occasion de servir, nous cherchons à comprendre, Seigneur, comment veux-tu qu'on te serve en toutes circonstances. Amen.